la nuit. Et la ville est déserte. Un temps humide et froid te fait rentrer chez toi. Je dévale la rue, des affiches collées sur les murs, mélangées aux artistes. Il y a des slogans contre les politiques, contre le gouvernement, contre les maladies, ou bien contre la vie, contre la thune, contre l'amour qui fait mal, et puis contre le vide. Il y a marqué entre ces affiches des gens qui sont peut-être morts, décollé, tombant, marqué Mélissa dans mon cœur. Tu ne l'auras pas, sans doute écrit par un homme blessé par l'amour infidèle, mais qui n'a pas péché, sans doute juste né. Continue les rues, elle est vide. Je ne vois que l'eau qui nettoie cette ville, qui coule dans l'égout entre les caniveaux pour rejoindre le ruisseau. Un bateau en papier est bloqué. C'est juste une aventure au-delà de l'espoir. Juste une aventure au-delà de la gloire. C'est juste une aventure qui finira au matin. C'est juste une aventure qui finira dès demain. Les autres chambres vides dans cet hôtel slave, j'y ai laissé mon sang à me raser sans peur. Les néons scintille, les moustiques nous piquaient. Une amie du pays que je ne connaissais pas me parle dans sa langue que je ne comprends pas. Les billets sur la table, elle les raconte avant de s'habiller puis de s'en aller, cherchant dans le frigidaire. Je resserre un verre, puis repensant à elle, et c'est bien mieux comme ça. Les lumières dans la pièce, tout éteinte, les yeux par la fenêtre, par la piste étoilée, éclairage de la ville, puis le billet de train pour la gare de demain. Entrez mes vers où, un pays que je ne connais pas, qui n'est pas pour fait moi, pour moi. Le monde du travail, est-ce vraiment ça la vie? Est-ce vraiment ça une vie? Une vie, le monde, le désespoir. Ouais, est-ce la vie que tu veux, toi, piétiné par des villes? Toi, piétiné par des villes. Le monde des illusions. Le monde si au des moins, illusions. S'il y avait une raison. Une raison. Le monde caprice. Des caprices, est-ce que ce monde a vraiment besoin de nous, a vraiment besoin de moi? Je crois pas, mais que veux-tu? Veux-tu y faire? Tu de nous un aspect positif, de nous un aspect pour leur flamme. Courir dans la vie, courir mon vie. Ami, et aller courir mon ami, ou faire et foutre, aller ceux, qui faire foutre ceux qui n'ont pas de doute. Tu avais tant la joie de vivre que moi je ne l'avais pas. Je ne cachais derrière le caché rire, derrière le rire, mais sur mon visage aucun. Mais sur mon visage. Trace de joie, aucune je trace. Je voulais tant te garder près de moi, qu'a trop gardé. Tu t'es en allé, a trop toujours gagné. Comme ton père, on se demande pourquoi manipuler les gens, ça ne dure pas tout le temps. Est-ce que l'on aura le temps d'écouter un CD lorsque l'on est jeune dans ce monde abîmé? Je pense à tant de choses sur le chemin du retour qu'au fond je ne pense plus qu'à regarder le chemin qui s'en va et prendre des photos pour ne pas oublier qu'il y a un temps où on peut s'en aller, qu'il y a là-bas des vies elles aussi qui cherchent une réponse qu'elles n'auront jamais. Qu'importe la distance, je suis seul pour entrer, que les paysages continuent à passer, une question m'anime, mais où viennent ces armes? Mais d'où viennent ces armes? Mais d'où viennent le mensonge? On devient de stable, tu peux toujours chanter au milieu international, ça ne change la guerre, ta place dans les tables. Puis ceux qui de peur s'unissent, cette peur qui ne passe pas tout le long du voyage. Je me pose des questions comme ça, mais où c'est qu'on va? Où va-t-on? Si j'ai chanté au paradis, eh bien c'est sur terre que je suis un triste sans voix et je ne peux rien faire de mieux que vous guider vers le bon Dieu qui ne vous entend plus. Je crois que je l'ai rendu sourd avec ma voix déraillée, ma voix que je n'aime pas, mais simplement que durant le trajet j'ai dû divaguer, à passer les frontières, à passer les états de haine à la joie. J'ai dû être l'autre, prendre la personnalité des gens, ça ne me convient plus. Je veux être moi, du moins quelqu'un d'autre dont je serais fier d'être en moi. Et un jour irradié comme un vieux polonais, mais un jour sans l'effet, comme un chien mongolien ou comme un aigle fou, à n'avoir eu que soi comme autre partenaire. Ne sait plus où il va, ne sait plus ce qu'il vaut, ne sait plus s'il est ou bien si c'est lui l'objet ou bien le méprisé voyageur incertain. Je suis toujours tout seul dans cette grande maison, je suis toujours tout seul dans ce monde sans nom. Je n'ai pu te trouver ici-bas et vers Dieu donc je vois. Je vais me jeter comme pour chasser. Vaut mieux se tuer un jour, décider de sa mort, que j'arrête le jeu quand je l'aurai décidé, plutôt que la faucheuse vienne au hasard t'enlever. Sans réponse à tes gestes, je serai supprimé. Est-ce que ça vaut le coup une vie exilée? Est-ce que ça vaut le coup une vie seule, sans reflet à toi? Je ne veux plus y penser. C'est toujours une fille qui vous mène à la vie, c'est toujours une fille qui vous mène à la mort. Les hommes sont des veaux qui suivent le troupeau. C'est ces hommes aussi beaux qu'ils sont bêtes qu'il vous faut. Ce sont ces hommes beaux, si vrais qu'ils sont bêtes. Mais que veulent donc-ils tous au fond de leur cerveau? Suivre donc la masse abrutie par les flots, la masse qui piétine le beau. Beauté éphémère, ta chair dans mes bras, une nuit sous les étoiles avant de se quitter, avant de partir chacun de son côté. Va retrouver un autre, est-ce que tu l'aimeras? Va où il te semblera d'exister. Va loin de moi, dans tes prouesses. Va et ne reviens pas par le train de nuit, côté fumeur ou passager sans classe, aux âmes sans chemin, aux vies sans destin, aux chansons sans refrain, aux vers sans glaçons, aux yeux sans horizon, aux drogues sans post-scriptum, aux hommes sans hommes. Je suis certain que s'il y a une histoire, elle se terminera sans nous et sans un ciel dans le miroir. Elle se passera de nous. Pour ma part, je pars sans me soucier de vous. Dans le wagon couchette, et qu'il y aura-t-il des cris sur ces pages? D'ici là, j'attends une part belle. Peut-être n'être plus le grand voilier, être une barque échouée, n'être plus que seul au milieu du vague. Mais le lac est asséché, être seul achevé au beau milieu du large, au beau milieu du large. On a beau larguer les amarres, que le vent dans les voiles s'est arrêté, quand il n'y a plus personne pour ramer. Dans le sable, la coque usée, ton cœur aurait pu pousser, mais sans eau, il a desséché. Ça veut dire que je voudrais que tu m'aimes, qu'un seul jour avec toi me comblerait pour l'éternité, car tu sais que je t'aime, tu ne me réponds pas, alors moi je ne sais pas. Sur ces grandes étendues salées, je deviens fou, sans y penser, je deviens fou. Laissez l'encre se disperser comme du sang assoiffé. Et si le ciel pour nous guider, les étoiles étaient mélangées, des bulldozers sur des cœurs, des leçons par cœur, sans jamais oser jouer. Que temps qui passe, j'aurais pu te demander, mais tu m'aurais renvoyé à la case finale, à la nage terminale. Chez le soleil, délaissé du regard, délaissé sans rempart, on nous laisse seul, délaissé sans espoir, délaissé le cauchemar, on est toujours seul. Et puis, et plus tard dans le noir, et plus tard, sous la gloire, toujours et encore plus seul. Mais que faut-il en vivre, mais que faut-il en faire? Et plus tard, on sourit que tout le temps qui passe n'est rien comparé aux souvenirs. Et seule la matière se transforme vers l'infini. Couché sur mon sac, le wagon s'arrête quand peut-être l'être un arrêt prolongé dans une gare éclairée, sans personne sur le quai, sans aucun à monter, sans avoir l'impression de gêner. Nous repartons enfin, sans connaître raison, sans rien expliquer. Et la vie passera au retour de là-bas, mais aide-moi. Des fois, me serrer dans tes bras, un beau souvenir d'amour, s'il te plaît, laisse-moi. Et pour elle, monter des cathédrales jusqu'au ciel, mais les anges sont si hauts que même les nuages sur le dos ne pourraient pas m'aider davantage, même plus haut. Sur le ciel allongé, sur le dos, sur le drap, je vois mal en toi. Il fait si sombre au fond, mes doigts, des fois moi, mouillés, des fois rien de tout ça, mélanger langue, parler, s'abstenir, réfléchir, jouer avec tes doigts, voir sans doute tes mains. Tu sens monter en moi, oh baby, so, c'est si bon de te voir souffrir. Oh, c'est si bon dans ta bouche, si profond quand je sens monter ton désir dans mes reins. Revenir pour des salopes qui engraissent sur le dos de la foule. 1% au pouvoir qui prospère, qui grandit, qui vit plus, qui est sur la vie, il pourraient faire des choses, mais ils ne font rien. Ils pourraient partager, mais ils ne font rien. Ils pourraient s'engager à reconstruire le monde, mais ils ne font rien. Non, rien de rien, toujours rien. Au lieu de se lancer des défis plein la gueule, ils pourraient largement donner à ceux qui crèvent pour rien. On est trop, on est trop, on est trop nombreux dans ce monde, alors on les laisse crever. Et à petit feu, peut-être qu'un jour la facture sera moins salée. Plus on est nombreux et plus on est oublié. Quand un riche a mal, c'est le monde qui a mal. Quand tous les jours on crève, que la mort assassine, que tous les jours pareil, c'est la mort en sourdine. Sous nos pauvres printemps, on se voit dos à nu, et eux et leur couronne, ils se vengent sur la masse qui a raison. Passez donc, hachoir, que les ventres se vident, laissons-les s'entretuer pour une bouchée de pain, laissons-les s'entretuer, il n'en restera qu'un, laissons s'égorger, se vider de leur sang, laissons-les les pleurer leur mort qui par milliers sur les routes du travail, ou bien même par folie, quand les gens cassent le câble qui les faisait tenir, quand les gens ne voient plus que la mort dans leur unique empire, quand les hommes et les femmes savent plus le bourreau qui pourrait bien être mettre un terme à cette mascarade, à cette grande hypocrisie, en se cachant derrière des chiffres et des missions, comme si sans le système on serait vulnérable, comme si un mot nous suffisait à croire, comme si un mot nous suffisait à voir, comme si un mot suffisait à changer la chose, comme si un mot suffisait pour rendre heureux. Mais si tout allait bien, mais si plus de problèmes, mais si l'on est vraiment deux, mais s'il n'y a que moi qui ne vois pas, alors je suis heureux, mais je ne le sais pas. Alors il n'y a pas de problème, j'ai juste faussé ma vision. Alors tout est beau, tout est blanc, alors tout est faux. Comme quelqu'un de lucide, ne sachant où mentir, comme un insatisfait, mais pour le bien de l'humanité, l'humanité qui ne crie plus, étouffée par la masse, l'humain qui ne sait plus aimer quelqu'un d'autre que soit l'humain, qui ne sait plus, qui ne saura jamais. Et au bout d'un moment, l'empire s'est décimé. Et au bout d'un moment, il ne reste plus rien des conquêtes qu'on a fait, de ce que l'on était. C'est la lumière qui me guide, l'espoir de l'utopie. Et même si the world is a vampire, the world is a vampire, il faut un amour dans le cœur. Si vous voyez des anges, si vous voyez la chance, ne plus laisser maman, ne plus faire l'amour aux grands-parents, faire et voir les esprits flottants s'enivrer de leur sang qui... Que veux-tu ? Que cherches-tu? Vers quel endroit? Mais quel endroit?